الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله aujourd'hui c'est le 43e cours. Et la semaine dernière, après avoir terminé la parole concernant les sortes de kufr, de mécréance, la majeure et la mineure, pareil pour al-zulm, l'injustice, ainsi que al-fisq ou al-fusuq, la perversité. Et on a vu aussi des versets qui sont des preuves que le kufr se divise en deux, que le shirk se divise en deux. Qu'est-ce que ça veut dire le kufr se divise en deux, Mohamed? D'accord, la mécréance majeure, la mécréance mineure. Al-kufr al-akbar wa al-kufr al-asghar. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Que la mécréance majeure, ça fait sortir de l'islam. Et la mécréance mineure, ça ne fait pas sortir. D'accord. La mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam. Et la mécréance mineure, elle ne fait pas sortir de l'islam. D'accord. Donc, quand on lit des textes, des versets, ou bien des hadiths, dans lesquels on voit kalimat kufr, ce n'est pas directement du kufr akbar et ce n'est pas directement du kufr asrar. On a compris ça. Donc des fois le prophète alayhi salam nous dit d'un acte que si on le fait on tombe dans le kufr. Il se peut que le kufr dont il parle soit l'akbar, celui qui fait sortir de l'islam, la mécréance. Et il se peut que ce soit celui qui ne fait pas sortir de l'islam. Le prophète alayhi salatu wa salam dit sibabul muslim fusuq, insulter le musulman est une perversité, wa qitaluhu kufr, et le combattre est de la mécréance. De quelle mécréance on nous parle ici? Majeur ou mineur? Mineur. Mohamed il a dit majeur. Si on dit majeur, tous les musulmans qui vont sortir de l'islam. T'as dit mineur, ça. L'insulter, c'est un péché. Ouais. Et le combattre, c'est une mécréance. Majeur ou mineur, la réponse, mineur. Parce que on se souvient qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Allah a dit, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Donc ici Allah nous informe que deux groupes se combattent et il a dit que ces deux groupes qui se combattent sont des croyants. Donc le prophète alayhi salam quand il nous dit qitaluhu kufr ay kufr asghar, le combattre le musulman est de la mécréance, c'est-à-dire un acte de mécréance mineur. C'est-à-dire que sa foi elle baisse mais pas au point à sortir de l'islam. Vous avez compris? T'as retenu? D'accord. T'as eu. Donc, on a vu ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, concernant al-fisq, qui est la perversité, dans un verset, il nous dit إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Dans un deuxième verset, ici, Allah, il a dit, al-fasiqun, hum al-fasiqun. Ils sont les pervers. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ceux qui ont accusé Aïcha, radiyallahu anha, d'avoir commis le zina wal-iyadu billah, la fornication, alors qu'elle n'a jamais fait ça. Il y a une grande histoire qui s'est passée quand Allah a révélé ces versets. Et dedans, Allah nous donne un enseignement quand il a défendu Aïcha radiyallahu anha et qu'il a montré que les hypocrites qui ont parlé ou les gens qui ont parlé sur eux et qui ont véhiculé ce mensonge sont des menteurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc ici Allah nous dit et n'acceptez d'aucun d'eux un témoignage. N'acceptez d'eux aucun des témoignages, pardon. Et ceux-là sont les pervers. Dans le premier verset, il a dit Innal munafiqina humul fasiqun. Les hypocrites, ce sont eux les pervers. Et dans le deuxième verset, wa ulaika humul fasiqun. Et ceux-là sont les pervers. Le verset, c'est le même. Et pourtant, est-ce qu'il y a une différence ou pas? Il y a une différence. C'est quoi la différence? Dans le premier, c'est du. Et dans le deuxième, c'est du fisk akbar. D'accord. Donc, dans le premier, les gens, ce sont des. Des koufars. Et dans le deuxième, ce sont des. Musulmans. Ce sont des musulmans foussar. D'accord. Donc, on a le même verset. Et pourtant, Allah nous parle de deux choses différentes. Quand dans le premier, il nous dit humul fasiqun, al fisk al akbar. Bima'na humul kuffar. Ce sont eux les pervers, c'est-à-dire la grande perversion qui fait sortir de l'islam, c'est-à-dire ce sont eux les mécréants. Et dans le deuxième verset, wa ulaika humul fasiqun, et ceux-là ce sont eux les pervers, c'est-à-dire les pervers parmi les musulmans. Parce qu'il y a parmi les musulmans certains qui sont pervers, mais pas au point où ils vont devenir kuffar. Donc d'où l'importance de savoir que quand on parle de kufr, de fisq, de dhulm, de shirk dans le Coran, mécréance, association, perversion, hypocrisie, toutes ces choses-là, elles se divisent en deux, akbar et asrar. Donc il ne faut pas se précipiter de croire que c'est directement akbar, non plus de croire que c'est directement asrar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, dans le sens du hadith, que celui qui accuse son frère de mécréant à tort, elle retombe sur lui. C'est-à-dire que si il dit Fulan hada kafir, wa Fulan hada ma huwa kafir mu'min, al kufr yanzilu alayhi huwa. S'il dit de son frère que c'est un mécréant, alors qu'il ne l'est pas, cette mécréance elle revient sur lui. Quelle mécréance revient sur lui? Comment tu comprends le hadith, Malek? Wahed, quelqu'un il insulte son frère, il dit que c'est un kafir. Et le prophète alayhi salam il dit si c'est pas un kafir, eh ben ça retombe sur toi. Qu'est-ce qui retombe sur toi? Ça veut dire quoi? Le kufr. Hein? Le kufr que tu l'as accusé. Akid. Allez Rabah. Alaykum salam. Qu'est-ce qu'on dit dans cette situation, Amir Rabah? Barakallahu fik. Alors, quelqu'un répond ou pas, Mohamed? L'écran, c'est mineur, mais je ne suis pas sûr. Majeur? Mineur. Alors, la réponse, Ibrahim, peut-être, c'est la mécréance mineure qui revient. Mineur, ce n'est pas la mécréance majeure. Et beaucoup de gens se trompent dans ça. Ils croient que le prophète ici, alayhi salatu wa salam, il dit que c'est de la mécréance majeure. Là, c'est de la mécréance mineure. Il ne mécroit pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, mais il a fait un grand péché. Al-kufr al-asrar, ça veut dire akbar al-kaba'ir, kaba'ir al-dhunub, walakin taht al-shirk wal-kufr. C'est-à-dire, c'est le pire des péchés, mais en dessous du shirk et du kufr qui fait sortir de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour que vous compreniez la gravité de ça. Al-kufr, al-asrar, par exemple, donc ici, celui qui accuse son frère de kafir, alors que son frère n'est pas un kafir, ça sera plus grave que akler riba. Ça sera plus grave que manger l'intérêt. Ça sera plus grave que zina. Ça sera plus grave que la fornication. Ça sera plus grave que le mensonge. Parce que le kufr al-asrar a'azam wa akbar min al-kaba'ir. La mécréance mineure est plus grave que les péchés qui viennent en dessous. Donc, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit man halafa bi ghayri Allah faqad ashrak. Celui qui jure par autre qu'Allah a commis l'association. Il a fait du shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Et nous, on veut apprendre à comprendre les hadiths. On ne veut pas juste les lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne que celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait du shirk. Quel shirk? Asrar. Sûr? Rafir. Celui qui jure par autre qu'Allah, il a fait du shirk akbar. Autre qu'Allah, c'est qu'il lui aurait donné un associé, et c'est la plus grande des injustices. Cette injustice, elle se divise en deux, majeure et mineure. La majeure, c'est celle qui arrive à un point où elle te fait sortir de l'islam, et la mineure, c'est celle qui est grave, mais pas au point où tu sors de l'islam, et c'est quand même du shirk. D'accord? Parce que sinon, on va dire que tous ceux qui jurent sur la tombe, sur la tête, sur la vie de leur mère, leurs yeux et je sais pas quoi, je ne sais quoi, ce sont des koufars. Or ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des koufars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Du shirk asraf, de l'injustice mineure. Comment vous savez ça? Parce qu'ils ne sont pas sortis de l'islam. Ils ne le prient pas. Comment tu sais qu'ils ne sont pas sortis de l'islam? Le prophète alayhi salam a dit, celui qui jure par autre qu'Allah a commis le shirk. Comment tu sais que c'est le shirk qui ne fait pas sortir de l'islam, Mohammed? Parce qu'en fait, il n'a pas mis son adoration pour autre qu'Allah. Taïb. Et là, on va dire là, il est du côté shirk mineur, parce que le shirk se divise en deux parties. On a déjà parlé de tout ça. Là, je suis en train de dire, comment tu sais que c'est du shirk asrar? Parce qu'il a pas voulu. Mais t'as un bout de la réponse. Il a pas voulu son adoration pour autre qu'Allah. Tu as un bout de la réponse. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un sahabi, un compagnon, jurer par son père. Il lui a dit, La tahlifu bi aba'ikum. Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut. Iskut. Le prophète alayhi salam dit à cet homme, ne jurez pas par vos pères. Celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Voilà, je vous ai donné un petit peu pour vous aider maintenant. Comment avec ce hadith là, plus le hadith celui qui jure par autre qu'Allah a fait du shirk, on peut comprendre que le shirk ici c'est du shirk asra mineur. Il a fait par ignorance. Allah, si le prophète. T'as la réponse, frère. Quand le prophète l'a repris, du fait qu'il lui a pas dit que c'était du shirk akbar, il aurait été censé refaire, la lignée de refaire chez Don Laïla et Jambar en condensant. Exactement. Sorti, il serait obligé de revenir et il aurait. Exactement. Le prophète, alayhi salam, ici, il nous dit, celui qui jure par autre qu'Allah a commis l'association. Et ici, il voit quelqu'un jurer par autre qu'Allah, et il lui dit, ne jurez pas par vos pères, si vous jurez, jurez par Allah ou taisez-vous. Et il ne lui dit rien de plus. Et si jurer par autre qu'Allah, ça serait du shirk akbar, il serait sorti de l'islam, il serait devenu kafir. Et le prophète, il aurait dit, yajibu alayka, an tadkhul fil islam min jadid. Tu dois rentrer de nouveau à l'islam, donc tu dois faire la shahada, etc. Et comme le prophète alayhi salam ne lui a pas dit ça, ça veut dire que ce qu'il a fait c'est du shirk asrar et pas akbar. Pas vrai? Vous avez compris, Amir Abba? Pas trop. Il a pas fait chaud. Ouais. Par contre, il a juré en notre nom à part qu'Allah. Le résumé, c'est ça. Le résumé, c'est ça. D'accord? Et donc, la raison pour laquelle le prophète, alayhi salam, ne lui a pas dit que c'est du shirk akbar, parce qu'il n'a pas adoré autre qu'Allah, azza wa jal. Il n'a pas adoré autre qu'Allah. C'est-à-dire, comme ce que Amr Rabah, il a dit, il reconnaît tout ce qu'on doit reconnaître à Allah. Mais dans ce point-là, il a fait cette erreur-là. D'accord? Vous avez compris? Donc, quand on voit le hadith qui parle du shirk ou du kufr, c'est quoi qui peut nous faire permettre de savoir si c'est akbar ou asrar? Al-ilm. Tayyib. Ensuite, on a parlé la semaine dernière du sihr. On a parlé du sihr, vous vous en souvenez? Tayyib. Tu tu comprends pourquoi c'est important d'apprendre? Tu comprends pourquoi c'est important la ilm? Celui qui est ignorant, il peut faire du mal, il peut. Le Nabi alayhi salam y a dit dans le hadith, kullu an-nas yardu, chaque personne sort de chez lui le matin, fabai'u nafsa, pour vendre son âme ou racheter son âme. Famu'tiquha wa mubiquha. Il y en a qui vont racheter leur âme et d'autres qui vont la détruire en sortant le matin. Et celui qui sort le matin et qui va rentrer le soir, il doit savoir qu'il est rentré soit avec al-dhunub, avec des péchés, soit avec al-salihat, avec des actions pieuses. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait parmi ses invocations, deux invocations, deux choses qu'il demandait à Allah. Quand il sortait de chez lui pour aller à la salat, il disait Allahumma, oh Allah, inni a'udhu bika an adilla aw udall, je cherche ta protection contre le fait de m'égarer ou contre le fait que quelqu'un ne m'égare, aw azilla aw uzall, contre le fait de glisser dans les péchés ou que quelqu'un me fasse glisser, aw adlima aw udlam, ou bien de faire de l'injustice ou d'être victime d'injustice, ou ajhala ou yujhala alay, ou de faire une chose par ignorance, une chose mauvaise par ignorance, ou bien qu'on m'induise par ignorance en erreur. Ensuite, il va à la mosquée, alayhi salatu wassalam. Il prie salat al-fajr. Et tous les jours après salat al-fajr, il dit: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tous les matins après le fajr. Oh Allah, je te demande de m'accorder une science utile, une bonne subsistance pure, halal, rizq al-halal, et troisièmement, une action que tu vas m'accepter. Les savants qui ont expliqué ce hadith, comme le Cheikh Abdel Razak al-Abbad hafidhahullah, qui se trouve à Médine, fil Médine, il a dit: regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les trois choses qu'il demande ici, il y a tout le khayr. Tout le khayr, tout le bien. La science utile, la bonne subsistance et une action qu'Allah nous accepte. Premièrement, Allah a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a parlé de la science utile. Pourquoi? Avant de demander le rizq al-halal, la bonne subsistance, et avant de demander une action qui va être acceptée, parce que كيف تفرق بين الرزق الحلال والرزق الحرام اذا لم يكن بالعلم كيف تفرق بين العمل الذي يقبله الله والذي لا يقبله الله اذا لم يكن بالعلم. Comment vas-tu faire la différence entre la subsistance licite permise autorisée et la subsistance illicite interdite si ce n'est avec la science? Comment vas-tu faire la différence entre une action qu'Allah va t'accepter et une autre qu'Allah n'accepte pas sans science? Il se peut que tu fasses une action, que tu donnes des efforts, que tu te fatigues, et pourtant Allah ne te l'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu n'as pas suivi le prophète dans la façon de faire cette action. Tu as fait une innovation et Allah ne te l'acceptera pas. C'est pour ça que tu as besoin de science tout le temps. Vous avez compris? Donc voilà, ça répond à la question. Comment on fait pour faire la différence? Ensuite, on a parlé de sihr la semaine dernière. On a parlé de la sorcellerie. Ma hukm sihr? Quel est le jugement de l'islam relatif à la sorcellerie? Hein? Haram. La shak, sans aucun doute. Et à quel point? C'est du kufr. Asrar ou Akbar? Hein? Comment tu t'appelles, Akhi? Abdel Razak. Mashallah. Abdel Razak, il a dit Asrar. Qui est-ce qui est avec lui? Akbar, il a dit non, moi je suis Akbar. Mashallah. Allahu Akbar. Hein? Celui qui l'a fait ou celui qui va avoir quelqu'un? Ma question pour l'instant, ce n'est pas sur celui qui le fait, c'est sur la chose elle-même. Faire cette chose. On va arriver au Kohen là. On a parlé du sihr la semaine dernière. Celui qui fait du sihr, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du shirk akbar. Il a fait du kufr akbar. On a expliqué comment ça se fait le sihr la semaine dernière. Vous vous en souvenez? C'est quoi qui se passe entre qui et qui, Mohamed? Entre un diable et un être humain. L'être humain, il s'appelle comment? Comment nous on l'appelle dans la religion? Le sahir. Et le sahir, le sorcier, il travaille avec un shaytan min al-jin. Écoutez bien ce que j'ai dit. Shaytan min al-jin. Un shaytan parmi les djinns. Parce que les gens croient que les djinns égalent shaytan. Hada laysa bi sahih. Fil djinn indahum shayatin wa indahum al-mu'minin. Les djinns, ils ont des croyants et des mécréants. Il y a des diables parmi les djinns, ceux qui sont mécréants et qui désobéissent à Allah. Et il y en a aussi parmi les hommes. Allah Azza wa Jal a dit shayatin al-insi wal djinn. Il y a des diables parmi les hommes et parmi les djinns. Tayyib. Iblis, shaytan min al-djinn. Iblis, c'est un diable parmi les djinns. Donc, la sorcellerie, c'est un contrat entre le sahir et le shaytan parmi les djinns. Pour faire du mal à quelqu'un ou pour faire du mal. Faire du mal. On a expliqué comment ça se fait. Celui qui fait du sihr, il a fait du shirk akbar de l'achek. Bilashak. Il a fait du kufr akbar bilashak. Sans aucun doute, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala par son acte. Parce qu'en le faisant, il a voué une adoration à autre qu'Allah. Abada ghayr Allah. Subhanahu wa ta'ala. On a vu que le sahir, il est obligé de faire une ibada pour autre qu'Allah. Soit, yadbah bismi ghayrillah. Il sacrifie une bête au nom d'autre qu'Allah. Azza wa jal. Soit, Yasjud li shaytan, il se prosterne pour le shaytan, et la ghayri dhalika kathir, et ils font beaucoup d'autres choses encore. Donc le sihr, c'est du kufr akbar et du shirk akbar, sans aucun doute. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran: wa laqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Et ils ont su, yani le sorcier, le sahir, ya'lam anna man yaf'al hadha ليس له نصيب من الإيمان وليس له نصيب من الأجر يوم القيامة. Celui qui fait ça, le sorcier qui fait ça, il sait en pleine connaissance de cause qu'il n'aura aucune part de récompense dans l'au-delà. Et qui est celui qui n'aura aucune part de récompense dans l'au-delà, à part le kafir billah, à part le mécréant d'Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. Ensuite on est passé à une autre question. ما حد ساحر. Quelle est la sentence qui va être infligé aux sorciers dans l'islam lorsqu'il est attrapé par les autorités compétentes? C'est quand même le tuer. Exactement. Le juge, il applique la sentence. Non. Après son jugement, il a la peine de mort. Comment cette peine de mort, elle est exécutée? Darbatun bisayf. Ici, le compagnon Jundub ibn Ka'b radiyallahu anhu nous dit: haddu sahir, la punition du sahir, darbatun bisayf, coup d'épée, en lui coupant. On ne demande pas de faire. Ça, c'est un khilaf chez les gens de science. Certains voient qu'on lui demande de faire tauba, et certains voient qu'il doit faire tauba, mais on lui coupe quand même la tête si on l'a attrapé en tant que sahir. T'as compris? Il se peut qu'il ait fait tauba avant de se faire attraper. Mais s'il se fait attraper en tant que sahir, ils disent qu'on lui coupe sa tête. Voilà. Après ça, on va passer maintenant à d'autres questions pour l'instant qui sont encore en relation avec le sihir. Celui qui est malade, al-mashour. On a parlé la semaine dernière, qu'est-ce qu'il va faire pour se guérir? Qu'est-ce qu'il va faire? Naam. Tayyib. Il va faire al-ruqya al-dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Il va faire aussi la ruqya. Ici, on va prendre une question qui est la question 172. As-su'al al-sadis wa al-sab'oun ba'd al-mi'ah. ما هي النشرة وما حكمها؟ En quoi consiste ce qu'on appelle en arabe an-nushra et quel est son jugement dans l'islam? Al-jawab, la réponse. An-nushra هي حل السحر عن المسحور. La nushra, c'est le nom que l'on donne à ce que l'on fait quand on enlève la sorcellerie de la personne qui est touchée par la sorcellerie. D'accord? Ça s'appelle an-nushra. Donc comment? D'accord. Ils ont laissé le mot en arabe. Donc on va le laisser en arabe. An-nushra, c'est quand on enlève le sortilège de la victime. Quand on le désensorcelle. C'est comme ça que ça pourrait se dire. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَهِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَإِنْ كَانَتْ بِالرُّقَى وَالتَّعَاوِيلِ الْمَشْرُوعَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. Maintenant, la nushra, le fait de défaire la sorcellerie, elle se divise en deux. Soit la personne va défaire la sorcellerie en faisant de la sorcellerie. On a parlé de ça la semaine dernière. Vous vous rappelez? Il y a des gens quand ils sont malades et ils ont le djinn dans leur corps ou bien qu'ils ont du sihr, ils sont mashourin, ils sont ensorcelés, ils vont voir un autre sahir. Et le sahir, il fait encore du sihr, de la sorcellerie, pour enlever le mal de cette personne. هذه نشرة محرمة. C'est ce qu'on appelle en arabe nushra, interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième manière de le faire, c'est par ruqyatu shar'iyya. C'est par la récitation du Coran et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on a compris que nushra, elle se divise en deux. Nushra muharrama, wa hiya sihr, wa nushra mubaha, mashru'a, wa hiya qira'atu al-Qur'an wa al-ta'awil. Donc il y a une nushra interdite, qui est de la sorcellerie, et une autre qui est légiférée, qui est celle de réciter le Coran et d'invoquer Allah en la faveur du malade. طيب. On a compris? Vous avez compris ça? Ensuite, السؤال السابع والسبعون بعد المئة, question 177. ما هي الرقى المشروعة? En quoi consiste ce qu'on appelle en arabe الرقية, qui a été légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala? Qui sait ce que c'est la رقية? Il lève la main. Amrabah. Ma'rouf. Taïb. Ruqya. C'est bon, tout le monde sait ce que c'est? La sana. Tu sais ce que c'est quand je vais te le dire, tu vas voir c'est quoi. T'arrives à Ruqya? Ruqya. T'arrives à? Alhamdulillah. Al-Jawab. هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقى هو كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل أمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها كل ذلك في الصحيحين وغيرهما. Donc ici il répond en nous donnant les conditions de la ruqya pour qu'elle soit sahiha, pour qu'elle soit correcte. Et avant de rentrer dans les conditions, la ruqya, ça consiste à traiter le malade en récitant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou en invoquant Allah, en demandant à Allah de la guérir et de lui enlever ce mal. Cette ruqya, elle a des conditions pour qu'elle soit correcte. Et ces conditions pour qu'elle soit correcte ont été citées par l'auteur du livre. L'auteur du livre, c'est Ahmad, Hafiz ibn Ahmad al-Hakami rahimahullah, qui a dit: la ruqya doit être faite à partir du Coran et de la sunna. C'est-à-dire que lorsque l'on traite le malade, on le traite avec le Coran. Allah a dit dans le Coran: wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil-mu'minin. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Donc on récite le Coran sur la personne. Qal wa sunna. Il a dit et aussi de la sunna. Parce que beaucoup de hadiths nous montrent qu'est-ce qu'on doit demander à Allah quand la personne est malade. En fait, alayhi salatu wassalam, quand il fait la ruqya sur le malade, il dit Bismillah yarqik, Wallahu yashfik, min kulli da'in yu'dhik. Au nom d'Allah, je te fais la ruqya et Allah te guérira de tout mal qui te nuit. Et aussi le prophète alayhi salatu wassalam dit Allahumma rabban nas, adhib al ba's. Ô toi Allah, le Seigneur des hommes, dissipe le mal. Washfi, et guéris, anta shafi, tu es le guérisseur. La shifa'a illa shifa'uk. Il n'y a d'autre guérison que la tienne. Shifa'an la yuradiru saqama. Accorde-lui une guérison après laquelle il n'y aura plus de mal. Donc ça c'est des ruqya que le prophète alayhi salatu wassalam a fait aux malades. Ensuite il dit parmi les conditions, وَكَانَتْ بِاللِّسَنِ الْعَرَبِيِّ. Lui nous dit qu'il est obligatoire que la ruqya soit faite en langue arabe. Et les savants ont divergé. اِخْتَلَفَ الْعُلَمَا فِي هَذَا. Ils ont divergé sur ça. Certains ont dit لَا بُدَّ أَن تَكُونَ الرُّقْيَةُ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّ. Il est obligatoire et indispensable que la ruqya soit faite en langue arabe. D'autres ont dit إِذَا كَانَتْ بلغة غير عربية لكنها بكلام مفهوم ليس فيه شرك وكفر جازت. Certains ont dit si la ruqya est faite dans une autre langue que l'arabe, mais et qu'il n'y a plutôt dedans aucune forme d'association ou de mécréance ou d'innovation ou de mauvaise parole, alors elle sera permise. Comme une personne qui est malade et il y en a une autre à côté d'elle qui ne connaît pas l'arabe et qui dit Oh Allah, il dit par exemple la dua Allahumma rabban nas, il l'a dit en français. Bismillah yarqik, il le dit en français. Et bien à ce moment-là, pour certains savants, il est permis de le faire. Et la raison pour laquelle les savants ont divergé, les madakhtalaf al-ulama fi hadha, pourquoi ils ont divergé? Parce qu'ils ont dit que dans la ruqya, il y a trop eu de shirk. Il y a beaucoup de gens qui, au nom de la ruqya, ont fait du shirk. De la mécréance. On prononçait des mauvaises paroles qu'Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. Alors à cause de ça, ils ont dit il faut absolument parler en arabe. Kalam wadih mafhum. Une parole qui est comprise et qui est claire. Et les autres, ils ont dit il y a une condition où on peut la faire dans une langue autre que l'arabe, c'est que la parole qui va être prononcée, elle soit comprise et que dans celle-ci, il n'y ait ni shirk, ni association, ni mécréance, ni bid'a. Et ni autre chose que Allah a interdit, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, وَاَعْتَقَدَ كُلٌ مِنَ الرَّاقِ وَالْمُرْتَقِ أَنَّ تَأْثِيرَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Parmi les conditions pour que la ruqya soit correcte et valable, c'est que chacun parmi celui qui récite la ruqya et celui qui la reçoit, donc celui qui traite et le malade, soit convaincu que la guérison ne vient que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que si une personne fait ruqya à un malade et ce malade croit que la guérison va venir de raqi, celui qui récite, alors là il a commis une chose grave, il a fait du shirk billah azza wa jal et c'est interdit de faire une ruqya comme celle-ci. Si le raqi, celui qui récite, il croit lui-même qu'il va ramener al-shifa, la guérison, c'est la même chose. Mais ce qui est demandé à celui qui récite et à celui qui écoute le malade, c'est de croire qu'ils sont en train de faire un sabab, rien de plus, une cause. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui guérit. Et c'est lui qui ramène et qui donne al-shifa, la guérison. Et c'est là un problème dans lequel tombent beaucoup de gens. À cause d'un problème qui est al-da'f fi din wa al-da'f fi al-iman, la faiblesse de la foi et la faiblesse dans la religion. Lorsqu'une personne est malade et qu'elle a un sihr, une sorcellerie, et qu'elle fait appel à un raqi, à quelqu'un qui va lui réciter le Coran, beaucoup de fois, et on l'a vu cette chose-là, la personne qui est malade regarde le raqi comme si que la guérison elle vient de lui. Et en faisant ça, elle tombe dans une erreur grave. Wallahi, il vaut mieux à cette personne de rester malade que de croire que Shifa vient d'autre qu'Allah. Azza wa Jalla. Il vaut mieux à cette personne de rester dans ce mal-là que de tomber dans le mal qui est pire encore. Ensuite, il dit, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام. Le prophète عليه الصلاة والسلام était malade et Jibril lui a fait un ruqya. Il est venu, il lui a fait un ruqya. Et وقد رقى هو كثيرا من الصحابة. Le prophète lui-même عليه الصلاة والسلام a fait la ruqya à beaucoup de compagnons. Même Aïcha رضي الله عنها, elle a fait ruqya au prophète عليه الصلاة والسلام quand il n'arrivait plus à bouger ses mains avant qu'il meure. عليه الصلاة والسلام. Il dit aussi وأقرهم على فعلها. Le prophète a approuvé leur acte, il a accepté. Il ne leur a pas dit ne faites pas ça. Il dit بل أمرهم بها. Il leur a même donné l'ordre de faire la ruqya. Il dit وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. Il leur a permis de gagner une récompense en faisant ça, un cadeau, de l'argent. Et autres. Il a permis aux compagnons d'accepter un cadeau, de gagner un cadeau en faisant ça. Kullu dhalika fi sahihayn. Et tout ce qu'on a dit est rapporté dans Al-Bukhari et dans Muslim. Taïb. Donc on a compris qu'il y a une ruqya qui est interdite. C'est la nushra qui est interdite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la question qui vient va nous parler de ça. السؤال الثامن والسبعون بعد المئة 178 ما هي الرقية أو الرقى الممنوعة. En quoi consiste la ruqya? Si vous voulez la ruqya, vous pouvez la traduire par l'exorcisme. L'exorcisme. ما هي الرقى الممنوعة. Haroun, faut se calmer là. ما هي الرقى الممنوعة. En quoi consiste l'exorcisme interdit? La réponse, al-jawab, هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة خالصة. Et donc ici, il va nous donner le contraire de ce qu'on vient de dire ici. Il nous dit la ruqya qui est interdite est celle qui est faite à partir d'autres que le Coran et la Sunna. D'autres que le Coran et la Sunna. Car il y a beaucoup de sahara, de sorciers qui se font passer pour des imams qui savent faire la ruqya. Et comment ils font quand la personne malade vient chez eux? Il commence par réciter un peu de Coran. Au début, il va te réciter le Fatiha, ou il va te réciter Atel Kursi, et ensuite, il va baisser la voix, et il va dire autre chose. Et la personne malade, elle ne comprend pas, mais elle croit que c'est un imam qui est sérieux, salih, qui est pieux, et qui dit des bonnes choses. Et en vérité, il est en train de faire l'isti'ana bi shayatin. Il demande de l'aide aux shayatin. Alors, pour te tromper, il récite Al-Fatiha, ensuite il baisse la voix, ensuite il baisse la voix et il dit les autres paroles. C'est pour ça qu'ici il a dit il faut que ça soit avec le Coran et la Sunna claire. Celui qui fait ruqya, il n'a rien à cacher. Si vous voyez quelqu'un qui fait ruqya et qui cache quelque chose, c'est un sahir, c'est un sorcier. Les ulama, ils ont précisé ça. Le raqi, il n'a rien à cacher. Naam. Est-ce que la ruqya qui n'est pas... qui n'est pas tiré du Coran et de la Sunna, ce qui est interdit, c'est forcément du shirk? Non. La ruqya qui n'est pas tirée du Coran et de la Sunna, les savants, ils ont permis que la ruqya, ils ont dit que la ruqya, elle fait partie du Coran et de la Sunna, ou bien des adhkar, ou des du'as qui viennent de toi, mais qui ne contredisent pas le Coran et la Sunna. Matalan, Ya Rabbi, Ishfi, Allahumma hil, anhu sihr. Ces invocations-là, précisément, on ne les trouve pas peut-être dans la Sunna, mais la tukhalifu al-kitab wa sunnah, elles ne contredisent pas le Coran et la Sunna, donc elles sont permises. Et quand ici il nous dit des ruqya qui ne viennent pas du Coran et la Sunna, ils contredisent le Coran et la Sunna. Ça répond à ta question? Parce qu'en fait, moi, il y a quelqu'un qui parlait de quelqu'un qui faisait. Après, on viendra après, inchallah. Ouais. Non. J'ai une question. Concernant, est-ce qu'on a le droit de choisir entre un imam et un autre pour le ruqya? Dire que ce imam fait mieux le ruqya que l'autre, est-ce que c'est pas la chose? La raqi, celui qui fait le ruqya, sans aucun doute, celui qui a plus d'expérience, il aura plus l'habitude de voir. C'est comme un médecin qui a de l'expérience. Si tu vas voir quelqu'un qui est médecin depuis plus longtemps, comme il a l'habitude, il en a fait plus, il va voir. Si c'est pour ça que tu choisis quelqu'un d'autre, il n'y a pas de mal. Si tu choisis quelqu'un d'autre parce que tu crois que c'est lui, avec lui ça va marcher, avec lui ça ne va pas marcher, là il y a un problème. Fait l'i'tiqad. Là il y a un problème dans l'aqidah, dans le cœur. Wala kanat bil arabiyya. Donc ici il dit la ruqya qui n'est pas en langue arabe, et on vient de voir le khilaf, on a parlé de la divergence, les savants. Et on a dit que si on a parlé de la divergence, bal hiya min amali shaytan wa istikhdamihi wa taqarrubi ilayhi bima yuhibbu kama yaf'aluhu kathirun min ad-dajjalin wal musha'widin wal mukharrifin wa kathirun mimman yanzuru fi kutubil الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل ولا يعني كما بينا. Donc il dit, et les ruqyas qui ne sont pas en langue arabe et qui contredisent le Coran et la Sunna font partie des actes de shaitan, et qu'elle consiste à ce que le sorcier Muhammad, elle consiste à ce que le sorcier demande de l'aide au shaitan. Et beaucoup d'imposteurs, de charlatans, ad-dajjal, ad-dajjal, les imposteurs sont ceux qui mentent, qui se font passer pour des guérisseurs. Font. Ensuite, il nous dit, et ces gens-là, ils lisent des livres de sorcellerie, parce qu'il y a des livres qui ont des codes spéciaux, particuliers. Et il nous a donné deux noms parmi les livres qui sont utilisés par les sorciers. Shamsul Ma'arif wa Shumusul Anwar. Ce sont des références chez les sorciers, chez les voyants et les sorciers. Et il dit que ces livres ont été ramenés par les ennemis de l'islam pour détruire les musulmans de l'intérieur. Au lieu de les faire lire dans le Coran, ils les font lire Shams al-Ma'arif. Dans quel livre on va trouver les Ikhwan, la guérison? Dans Shams al-Ma'arif ou dans Kitab Allah? Dans le livre d'Allah, Azza wa Jal. Dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lakin a'da al-Islam et les ennemis de l'Islam, ils font en sorte que les musulmans, ils ne suivent plus leur religion, ils font du shirk. Ils font du shirk. As-su'al la question 179. Maintenant, on va voir le jugement de celui qui accroche des choses, que ce soit un porte-bonheur, ou on va parler de ça. Ma hukm at-ta'aliq min at-tamaim wal-awtar wal-hilaq wal-khuyut wal-wada' wa nahwiha. Il dit, quel est le jugement religieux? Qu'est-ce que la religion d'Allah dit? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit et le prophète alayhi wa sallam pour le fait d'accrocher, pour le fait d'accrocher des objets qu'on porte comme des amulettes, hein, les talismans, en arabe c'est al-tamima, al-talsam, ou bien, fait le maghrib al-arabi, on appelle ça le kitab, on appelle ça le livre. C'est une petite chose comme ça qui est pliée des fois dans du cuir ou dans du papier, et il te dit garde-le dans ta poche et ton fils il ira plus en prison, garde-le dans ta poche et ton fils il va guérir, garde-le dans ta poche et les gens ils vont pas te faire du sihr, etc., etc. Ou bien des cordes, ils accrochent des bouts de ficelle, ou bien des cordes, ils sont d'une forme particulière, des anneaux, des fils, des coquillages et bien d'autres choses encore. Qu'est-ce qu'Allah dit sur ça? الجواب لا ريبونس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. La réponse, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui accroche quelque chose, Allah il va le laisser avec cette chose là qu'est-ce que ça veut dire? Allah il va l'abandonner. Tu as voulu demander à autre qu'Allah, eh bien débrouille-toi avec ce que tu as accroché. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que faire ça c'est shirk et c'est haram, c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'accroche quelque chose sera confié à elle. Tu as accroché ça, débrouille-toi avec ça, c'est interdit par Allah azza wa jal. Wa arsala sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam fi ba'di asfarihi rasulan alla yubqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watar au qiladatan illa quti'at. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé des ambassadeurs ou des gens parmi les compagnons qui vont appeler les gens à l'islam, il leur a dit, quand tu vas être en route, tu ne dois pas laisser de collier qui a été accroché sur le cou du chameau sans l'arracher. Pourquoi ? Parce que les Arabes avant, ils, quand ils partaient en voyage et qu'ils allaient faire du commerce, ils accrochaient quelque chose sur le cou de leur chameau pour ne pas avoir de mal, pour ne pas avoir de malheur. Le prophète ﷺ dit à son compagnon, partout où tu passes et tu trouves le collier sur le cou d'un chameau, tu l'arraches avec tes mains. Tu ne laisses pas ça. Parce que c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit dans la traduction du hadith, certes les exorcismes, les amulettes et la tiwala sont du polythéisme. طيب. La tiwala, c'est du sihr qu'on fait pour que les gens y s'aiment. Ça s'appelle al-atf. Sihr al-atf. C'est le sorcier qui fait quelque chose pour qu'un homme il aime une femme ou pour qu'une femme aime un homme. Du jour au lendemain, il ne peut plus se passer de cette femme. Ça s'appelle sihr al-atf. Et quand c'est pour séparer un couple, on appelle ça sihr al-sarf, le séparement. Le prophète alayhi salam ici il dit les ruqya, écoutez bien, les ruqya, les tamaim, les amulettes, les choses qu'on accroche pour repousser le mal ou pour ramener le bien, et la tiwala, le sihr qu'on fait pour faire aimer les gens, sont du shirk. Il y a un problème ou pas? Il y a un problème ici? Hein? الرقية شرك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. Qu'est-ce qu'il peut répondre à ça? Ici le prophète nous dit que la ruqya c'est de l'association à Allah. Et on vient juste de voir qu'on a le droit de le faire si c'est avec le kitab ou le sunnah. On parle de la ruqya qui est faite avec l'aide de Shaitan. Barakallahu fik. Exactement ça. Il parle de la ruqya qui est faite avec l'aide de Shaitan. D'accord? Il parle de la ruqya qui est interdite là. Celle-là, c'est du shirk. Mais la ruqya que le prophète lui-même a faite, ou que Aïcha a faite, ou que Jibril a faite, ce n'est pas jamais du shirk en aucun cas. Vous avez compris? L'exorcisme, la ruqya. Donc, qu'est-ce qu'on tire ici dans le hadith? Que celui qui met le kitab, hada, ou bien le porte-bonheur, ou qui accroche quelque chose, ou il croit qu'il va guérir parce qu'il met quelque chose dans l'oreille, ou des fois c'est un fil, des fois c'est toutes ces choses-là, ya ikhwan, c'est du shirk billah subhanahu wa ta'ala. J'ai une question en fait par rapport au porte-clés. En fait, si tu as un porte-clés écrit Allah dessus, tu peux l'accrocher sur ton truc, mais tu sais que ça te porte pas bonheur. T'as pas le. Ça arrive. Ok. T'as vu? Ça arrive, inshallah. Ensuite, hein? C'est toi qui arrive. La réponse. Non. Et donc ce shirk là c'est le shirk akbar ou asghar? Ce shirk là l'absout tamima, les savants ils ont dit que c'est du shirk asghar. Pourquoi c'est du shirk asghar? Parce que dans un cas ça va être du shirk akbar. C'est du shirk asghar si la personne qui le met, donc la personne qui met dans sa poche le kitab ou le bracelet ou le fil, le porte-bonheur, etc., elle croit que c'est un sabab. Si elle croit que c'est un sabab, alors que ce n'est pas un sabab pour amener le guérison, là c'est du shirk asrar. Si elle croit que cette chose-là, là, là c'est du shirk akbar. Vous avez compris? Et les gens quand ils mettent ça, pour la plupart, quand ils portent une amulette, une tamima, un talsam, un kitab, toutes ces choses-là, quand ils le portent, si tu leur poses la question, il va dire Allah wa shafi hada sabab. Hada shirk, walakin shirk asghar. Il va te dire Allah est le guérisseur, mais ça c'est un sabab. Et ça c'est du shirk billah azza wa jal. Attends. Et dans le cas où il dit ashifa min hada, la guérison elle vient de ça, là c'est du shirk akbar. Wadih? Est-ce que ça peut devenir l'isti'ana ou bien tawakkul? Ceux qui mettent des amulettes, est-ce qu'il y a des cas où ça soit du isti'ana ou bien tawakkul? Comment ça? Tawakkul ala ma ta'allaq alayhi. Hada huwa shirk li'annahu hada. Wa hada min nawaqid al-islam. يا أخي الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. فهمت؟ إذا كان si la personne qui porte la chose elle croit que la shifa il vient de cette chose là توكل على الغير الله على الإطلاق وأشرك بالله. Il a placé sa confiance en autre qu'Allah Azza wa Jal et il a fait du shirk billah. Mais s'il croit que c'est un sabab et que le shafi هو Allah ويقول أنا أتوكل على الله ولكن أفعل هذا لأنه سبب, mais je fais ça parce que c'est un sabab, il aura fait du shirk asghar à cause de ça. Après التوكل على الله عز وجل اختلف العلماء في هل يكون أكبر وأصغر. Les savants, ils ont divergé sur le tawakkul. Est-ce que on dit على الإطلاق complètement c'est du shirk akbar ou bien est-ce qu'on peut dire du shirk asghar? C'est pas la question, inchallah. Après, on va trop s'élargir. Taïb. Ensuite, قال صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له ومن علق ودعة فلا ودع الله له. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit dans la traduction du hadith: celui qui accroche une amulette, qu'Allah ne lui accorde pas la réussite. Et celui qui accroche un coquillage, qu'Allah ne le préserve pas. الذي يلبس أو عنده الكتاب كأنه يقول أسأل الله أن لا يبارك فيه أن لا يتم أمره. Il invoque Allah contre celui qui met quelque chose, qui porte un porte-bonheur ou un kitab ou un gris-gris et toutes ces choses-là. Donc ici, avant d'avancer, Tamima, ça a été appelé comme ça pour une raison. At-Tamima, c'est tout ce qu'on porte. Limadha summiya at-Tamima? Li'anna al-insana yalbasuhu raja'a an yatimma amruhu. Ça a été appelé Tamima parce que Tamima, ça vient du verbe tamma yatimmu qui veut dire terminer, réussir, compléter. Et celui qui met ça, il met ça pour réussir quelque chose. Et ici, le prophète, alayhi salam, sallam, il dit, celui qui porte une tamima, je demande à Allah que cette chose ne réussisse pas. Donc, c'est le shirk billah, subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwaya, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Et le prophète a aussi dit, celui qui accroche une tamima a commis l'association. Wa hadha al-kalam lahu qissa. Cette parole-là du prophète, alayhi salam, sallam, a une histoire. Ma hiya, ja asharatun min al-rijal. إلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 hommes sont venus voir le prophète عليه الصلاة والسلام حتى يبايعوه, pour lui prêter allégeance, pour lui dire يا رسول الله je te suis et je t'obéis jusqu'à الموت. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم 9 منهم وصافحهم. Le prophète عليه الصلاة والسلام a serré la main et accepté l'allégeance de 9 personnes. ومد يده للعاشر. Il a tendu sa main pour le 10e. ثم راى فيه تميمة. Et il a tendu sa main et il a vu que dans son bras, العضد, ici là, où il y a le biceps, il avait accroché quelque chose. Le Nabi عليه الصلاة والسلام, il a enlevé sa main. Les compagnons lui ont dit, يا رسول الله, بايعت تسعة, tu as accepté le pacte de 9 personnes et tu as rejeté les 10e. Pourquoi? Le prophète عليه الصلاة والسلام dit, إن في عضده تميمة. Parce qu'il a dans son bras une tamima. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a compris que c'était interdit, il l'a immédiatement arraché, il l'a jeté, et le prophète lui a serré la main, et après il a dit, man ta'allaqa tamimatan faqad ashrak. Celui qui accroche une tamima, quelque chose comme ça, une amulette, a commis l'association à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous a ramené trois. Le reste de ce que le shirk nous a ramené, ce n'est pas sahih, ce n'est pas authentique, ça a été jugé faible par les savants du hadith comme l'imam al-Albani rahimahullah, mais nous on va quand même le lire, mais ce qu'on va lire ce n'est pas sahih selon l'imam al-Albani rahimahullah. Wa qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lilladhi ra'a fi yadihi halqatan min sifr ma hadha faqala min al-wahina ay al-humma قال انزعها فإنها لا يزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. Ici il est rapporté que le prophète عليه الصلاة والسلام aurait vu quelqu'un dans le bras duquel se trouvait une chose qu'il avait accrochée, le prophète lui aurait dit: pourquoi tu as fait ça? Et il aurait répondu: pour repousser la fièvre. Alors on lui a dit: enlève-la, car elle ne fera que te rajouter de la fièvre, et si tu meurs avec, tu ne réussiras jamais. Et les savants du hadith, ils ont jugé ce hadith faible, mais le sens, il est vrai. Al-ma'na sahih. Le sens, il est vrai. وَقَطْعَ حُذَيْفَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَيْطًا مِنْ يَدِ رَجُلٍ. Et حُذَيْفَة aurait arraché de la main d'un homme un fil qu'il avait accroché. Et ensuite, il a récité la parole: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La parole d'Allah, dont la traduction est: et la plupart d'eux ne croient en Allah qu'en faisant de l'association. وقال سعيد بن جبير, سعيد بن جبير a dit: من قطع تميمة من إنسان كان كعيد لرقبة. Celui qui arrache une amulette qu'une personne a accrochée, c'est comme si qu'il l'a affranchi. C'est comme si qu'il a affranchi un esclave. Et tout ce qu'on vient de lire, ce n'est pas authentique, mais on le lit quand même. Pourquoi? Parce que ça fait partie du respect pour celui qui a écrit le livre de lire son livre jusqu'à la fin. Très. On va passer à une autre question maintenant. La question 180. السؤال 80 بعد المئة. ما حكم المعلق إذا كان من القرآن؟ La question 180. Quel est le jugement d'accrocher une chose qui fait partie du Coran? Maintenant, j'accroche une sourate où tu mets dans la poche de ton enfant une sourate du Coran. Quel est le jugement de ça? Allez, comme ça là. Les savants ont divergé sur ça. اختلف العلماء في هذا. وسبب الاختلاف, et la raison pour laquelle ils ont divergé, أن الله عز وجل أخبرنا أن القرآن فيه شفاء. Qu'Allah nous a informé qu'il y a dans le Coran une guérison. وننزل من القرآن ما هو شفاء. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison. Donc, hein? نعم ما هو شفاء للمؤمنين. Une guérison pour les croyants. طيب. Donc, à cause de ça, certains ont dit: ils ont divergé sur comment on va se soigner avec le Coran. Et parmi les formes sur lesquelles ils ont divergé, le fait de l'accrocher. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Al-Jawab, la réponse que nous donne le Cheikh Hafid, rahimahullah, yurwa jawazuhu an ba'd as-salaf wa aktharuhum ala man'i. كعبد الله بن عكيم وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود وأصحابه رضي الله عنهم وهو الأولى. Il nous dit: certains parmi les salafs, donc les sahaba, les tabi'oun et ceux qu'ils ont suivis, ont dit qu'il est permis de faire ça. Il dit: وأكثرهم على منعه. Et la plupart des salafs ont interdit de faire ça, comme عبد الله بن عكيم, عبد الله بن عمرو, Abdullah ibn Mas'ud, qui font partie des compagnons et des plus savants des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Il dit, et c'est la parole prépondérante, c'est la parole qui a le plus de qui est choisie, qui est retenue. Pourquoi? Li 'umum an-nahy 'an at-ta'liq. Premièrement, parce que le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a dit man ta'allaqa shay'an wukila ilayh, lam yaqul illa al-Qur'an. Le prophète, quand il a dit celui qui accroche quelque chose sera confié à elle, il n'a pas dit sauf le Coran. Donc si le Coran était une exception, il aurait cité cette exception. La deuxième chose, car il n'y a pas de hadith qui est venu nous dire que le Coran n'est pas pris en compte par ce hadith. Il nous dit: ولصون القرآن عن إهانته إذ قد يحملونه غالبا على غير طهارة. Il nous dit maintenant aussi pour protéger le Coran afin que celui-ci ne soit pas méprisé ou humilié, ou maltraité plutôt. Méprisé ou maltraité. Parce que il se peut que celui qui le porte va le porter, par exemple, alors qu'il n'a pas al-wudu, qu'il n'a pas les ablutions. Il se peut aussi qu'il va entrer avec aux toilettes. Il se peut aussi qu'il va se retrouver dans des endroits où il ne convient pas de faire entrer dans ceci le Coran. Pour toutes ces raisons-là, ils ont dit pour préserver le Coran de ces choses-là. وَلِأَلَّا يُتَوَصَّلْ بِذَلِكَ إِلَى تَعْلِيقِ غَيْرِهِ وَلِسَدْطَيْ. Il dit maintenant aussi pour ne pas que la personne qui porte ça continue dans le temps jusqu'à porter autre chose et est tombé dans le shirk billah azawajal pour fermer la porte. On dit tu n'accroches rien du tout comme ça, on ferme la porte. Ils ont dit aussi وَلِسَدِّ الذَّرِيعَ عن اعتقاد المحظور والتفات القلوب إلى غير الله عز وجل لا سيما في هذا الزمان. Et aussi pour fermer la porte qui est celle que beaucoup de gens, dans laquelle beaucoup de gens tombent, ils commencent à accrocher ça. Il dit Allah wa shafi. Ensuite, avec le temps, الشيطان يلعب به. الشيطان, le diable, il joue avec lui. حتى يتعلق قلبه بغير الله. Jusqu'à ce que son cœur il s'accroche à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, fayaqa' fi shirk. Et à cause de ça, il va tomber dans le shirk. Donc, la réponse, c'est que akthar al-salaf, la plupart des prédécesseurs disent parmi les ulama qu'il est interdit d'accrocher une tamima du Qur'an. Il est interdit d'accrocher une tamima du Qur'an. Et certains l'ont mis, يعني بعض العلماء أدخلوا هذا في البدعة. Ils ont entré ça dans la bid'a parce que l'istishfa bil Qur'an la yakunu bi hadhihi at-tariqa. Ils ont dit parce que se soigner avec le Qur'an, on ne le fait pas de cette façon-là. Vous avez compris? Donc ce qu'on retient, c'est que il est interdit d'accrocher le Qur'an pour repousser. Il y a un compagnon parmi les salaf qui a accroché sur son fils une sourate. Et le Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad hafidhahullah a dit que ce compagnon il a accroché cette sourate sur son fils parce que son fils il était en train de l'apprendre, et c'était pour qu'il la répète jusqu'à ce qu'il la prenne et il la mémorise. Donc voici cette question. On va prendre une autre question inshallah. As-su'al al-hadi wa thamanoun ba'd al-mi'a ma hukm al-kuhan. La question 181, quel est le jugement de l'islam relatif aux voyants? Le kohan, al-kohan, c'est le pluriel du verbe du nom kahin. Al-kahin huwa alladhi yadda'i 'ilm al-ghayb. Al-kahin, c'est celui qui prétend connaître des choses de l'invisible. Hein? Shawaf ou shawafa. Dans nos pays en Darija, on appelle ça les amel shouf, celui qui dit qu'il voit les choses de l'avenir. Son vrai nom c'est al-kahin, le voyant. Qu'est-ce que l'islam dit sur les voyants? Qu'est-ce que l'islam dit sur ceux qui prétendent connaître al-ghayb? Al-ghayb c'est l'invisible. C'est comme ça, il fait du shirk. Al-Jawab, la réponse. Là, يعني السؤال ما حكمهم فرق بين ما حكمهم وما حدهم. حكمهم أنه كافر, حدهم أنه كذا كذا. السؤال c'est le حكم. Qu'est-ce qu'on dit sur eux? Qu'est-ce que l'islam dit sur ces gens-là? Al-Jawab, الكهان من الطواغيت وهم أولياء الشياطين الذين يوحون إليهم كما قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ويتنزلون عليهم ويلقون إليهم الكلمة من السمع فيكذبون معها 100 كذبة كما قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الوحي فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها إلى الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة. ومن ذلك الخط بالأرض، الخط بالأرض الذي يسمونه ضرب الرمل، وكذا الطرق بالحصى ونحوه. La réponse: les voyants sont des alliés du shaitan, ils sont des alliés des diables, et ils font partie des transgresseurs, des associateurs et des mécréants. Et ils travaillent avec les diables qui leur font, qui leur donnent des informations concernant des choses qui se passent. Concernant des choses qui se passent. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la traduction du verset, et les diables inspirent à leurs alliés. Yani, les diables, ils donnent des informations aux voyants qui travaillent avec eux. Et on va voir comment. On va expliquer comment ça se passe. Aussi, il dit, les diables, ils descendent vers les voyants et ils leur donnent une information qui est vraie parmi ce qui va se passer dans l'avenir. On va voir comment ils savent ça, ces diables-là. Alors, ensuite, le voyant, il prend cette information et il en rajoute, il rajoute sans mensonge. Et il lui donne une tournure qui va faire croire à la personne. Allah Azza wa Jalla a dit, ils descendent sur eux, c'est-à-dire les diables descendent sur les devins, ils viennent les voir et leur jettent un mot. Non, ça c'est le hadith. Le verset, vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Allah, il dit dans la traduction du verset, voulez-vous savoir qui les diables vont voir pour leur donner ces informations? Ils descendent sur tout l'omniateur pécheur, ils tendent l'oreille. Cependant, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que, il nous a enseigné comment le kahin, le voyant, il fait. La personne, elle vient voir le voyant. Elle lui demande, qu'est-ce qui va se passer demain? Le voyant, la ya'lamu shay'an min al-ghayb. La ya'lamu ma fi rad illa Allah azza wa jalla. Ne connaît ce qu'il va avoir lieu demain que Allah. Le voyant ne connaît rien. Le voyant, comment il fait? Il fait, yuqaddimu ibada li shaytan min ash-shayatin. Il donne une ibada, une adoration à un des diables. Et ensuite, les shayatin, ils travaillent ensemble. Et ils montent les uns sur les autres. C'est qui dit ça? Le prophète, alayhi salatu wa salam. Et le prophète, il ne parle pas bil hawa, wa ma yantiqu anil hawa. Il ne parle pas selon ce que lui, il a envie de dire. In huwa illa wahyu yuha. Ce n'est qu'une révélation qu'il lui fait. Yatakallamu bi wahyi illa. Il dit que les shayatin, ils montent les uns sur les autres. D'ici, et ils montent les uns sur les autres. Jusqu'à ce qu'ils arrivent Fissana, dans un endroit, dans les ciels, dans un endroit où les anges, ils parlent entre eux. De quoi ils parlent ces anges-là? Ils parlent de ce qui va se passer demain. Fulan yamut, fulan yulad, fulan yamrad, fulan yushfa, fulan yurza, fulan yuhram. Et ils parlent, fulan demain un tel il va mourir. Demain un tel va naître, demain un tel va être malade, demain un tel va guérir. Comment ils savent ça? Allah Azza wa Jal, il donne l'information. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne l'information aux anges chaque jour de ce qui va se passer le lendemain. Et les anges, ils se mettent à parler entre eux. Avant qu'ils parlent entre eux, quand ils entendent Allah tabaraka wa ta'ala leur donner les informations concernant ce qui va se passer demain, ils tombent tous et ils s'évanouissent. Et ensuite, ils se réveillent. Et quand ils se réveillent, ils se posent la question, ils se parlent. Et c'est de ça qu'Allah parle dans sourate Saba, dans laquelle Allah dit حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Et dans ce verset, Allah nous dit que les anges, quand la peur elle part de leur cœur et qu'ils se réveillent, ils se parlent entre eux. Qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Qu'est-ce qu'Allah a dit? Et ils disent, Allah a dit la vérité. Et c'est lui le très haut, le plus haut et le plus grand. Et le prophète, alayhi salam, dans Sahih al-Bukhari, nous a expliqué ce verset-là. Il nous a expliqué que les anges parlent. Demain, il va y avoir ça. Ensuite, les djinns, les shayatines parmi les djinns, ils montent les uns sur les autres et il y en a un qui écoute. Et quand il écoute, il prend l'information et il revient. Et pendant qu'il revient, les anges ils le pourchassent. Les anges ils le pourchassent avec les étoiles. Avec les étoiles. Et on lui lance une étoile. Et cette étoile, soit elle l'attrape, elle le rattrape, elle l'élimine avant qu'il arrive au voyant pour lui donner l'information, ou soit il ne va pas se faire attraper, il est arrivé avant. S'il est arrivé avant, il ne s'est pas fait éliminer, il va parler avec le voyant et il va lui donner l'information. Fulan radan yakun kada kada. Demain à tel, il va avoir ça, ça. Le voyant, il prend cette information, il en rajoute 100 mensonges et il parle à la personne. Et après, la personne, elle est étonnée parce que le lendemain, il va lui arriver ça. Et après, elle va croire que le voyant, il sait ce qu'il y a demain. Vous avez compris tout ça ? Elle va croire que le voyant, il sait ce qu'il y a demain et elle va aller le voir tout le temps. هذا عمل اشتراك بين الشياطين والسحرة والكهان. Donc, c'est un contrat qu'il y a entre les diables et les voyants, ainsi que les sorciers. طيب. Donc, on voit ici que حكم الكاهن الكاهن هو كافر بالله سبحانه وتعالى بلا شك. On voit que le voyant, c'est un mécréant, c'est un mouchrik, un associateur sans le moindre doute. As-su'al, et aussi à la fin, il dit, rentre dans ce jugement ceux qui font la voyance à travers d'autres moyens, comme ceux qui lancent, qui frappent la terre, ceux qui utilisent les traits sur la terre, et rentre aussi dans ça ceux qui regardent les lignes de la main, ceux qui viennent avec la pendule et qui font ça. Toutes ces choses-là, c'est de la voyance. Et c'est interdit par Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Maintenant, il y a une autre question ici. As-su'al thani wa thamanoun ba'd al-mi'a 182. Ma hukmu man saddaqa kahinan. Qu'est-ce que l'islam dit sur celui qui croit le voyant? Celui qui croit le voyant. Qu'est-ce que l'islam dit sur ça? Okay. Il a cru que ça y est tout. Non, en fait, ça dépend sur celui qui l'a pris comme sabab ou celui qui croit que c'est lui qui a dit. On va y arriver, Inch'Allah. Amir Abba, Amir Abba, il a dit kafir. طيب سي لحظة كافر ديرك نعم اخي كافر الصلاة تضيع 40 يوما لا تستعجل تبخس بانري. طيب الجواب لا ريبونس. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. La réponse, Allah a dit dans un verset à son prophète alayhi salatu salam, dit, قل يا محمد للناس, dit aux gens, ne connaît ceux qui sont dans les cieux, parmi ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, personne, seul Allah le connaît, seul Allah connaît l'invisible. Aussi, قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Et il détient les clés de l'invisible, ne les connaît que lui, سبحانه وتعالى. وقال تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون. Connaissent-ils ces gens-là, Quraysh et les autres, les associateurs, connaissent-ils l'invisible et alors ils l'écrivent? La réponse, لا يعلمون. Ils ne connaissent pas le غيب. وقال تعالى عنده علم الغيب فهو يرى. Ou bien voit-il l'invisible? A-t-il la science de l'invisible? La réponse, personne n'a la science de l'invisible. وقال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et Allah sait et vous ne savez pas. Donc celui qui croit que quelqu'un d'autre qu'Allah connaît l'invisible, c'est un kafir billah subhanahu wa ta'ala bila shak, sans aucun doute. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Le prophète عليه السلام dit: celui qui va voir un devin ou un sorcier, puis qu'il le croit dans ce qu'il a dit, aura mécru à ce qui a été descendu vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui va chez le sahir, le kahin, il va chez le sorcier, il va chez le voyant, et il croit à ce qu'il a dit, il a mécru à ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wa sallam. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. Et le hadith ici, ce n'est pas ça exactement. Le hadith, il est rapporté par Muslim rahimahullah, واللفظ بالضبط ما هو هذا. Ce n'est pas ça. C'est من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة ولم يقول فصدقه بما يقول. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans le Sahih Muslim, celui qui se rend chez un voyant, un devin ou un sorcier, et qui l'interroge sur une chose, ses prières ne lui seront pas acceptées pendant 40 jours. بمعنى أن الصلاة تبقى واجبة عليه لكنه محروم من الأجر لمدة 40 ليلة. C'est-à-dire qu'il a l'obligation de prier, mais il est privé de la récompense pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Ici, on parle de celui qui va voir le kahin, le sahir, le sorcier, le voyant, et qui lui pose une question. Juste le fait de lui poser une question, ça va faire que pendant 40 jours, Allah, il n'accepte pas ces salats. Et celui qui pose une question et qui croit, alaykoum salam, celui qui pose une question et qui croit en plus de ça, celui-là, kafara bimanzila ala Muhammad. Celui-là, il aura mécru à ce qui a été révélé au prophète, alayhi sallam. Alladhi yas'al, faqat, yas'al, wa la yusaddiq. Lam tuqbal lahu salah, fi muddati 40 layla. Alladhi yas'al, wa yusaddiq, qad kafara bimanzila ala Muhammad. C'est-à-dire que celui qui va et qui pose la question, pendant 40 jours, sa prière ne lui est pas acceptée. Celui qui pose la question et qui croit, il a mécru dans ce qui a été révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Wadih? Taïd. Est-ce que c'est pareil celui qui dit l'horoscope? On va arriver. On va arriver à ça. Et il reste à savoir une chose, c'est que les ulama ikhtalafu, les savants, ils ont divergé sur un point qui est حكم الذي يصدق الكاهن هنا فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض من العلماء قالوا الكفر الأصغر وسنرى لماذا. Certains savants ont dit que la mécréance ici qui est visée quand il dit celui qui croit et qui interroge le voyant a mécru à ce qui a été révélé au prophète, certains ont dit c'est le kufr al-asghar. Pourquoi? Ils ont dit parce que dans un hadith qui est sahih, et c'est vrai, ce hadith il existe et il est sahih, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit من أتى عرافا فسأله عن شيء. Et là il y a la ziyada qu'on ne trouve pas chez Muslim. فصدقه بما قال. Il lui pose une question et il croit à ce qu'il a dit. Il croit à ce qu'il a dit. لم تقبل له صلاة أربعين يوما. Pendant 40 jours, sa prière ne lui sera pas acceptée. Et ce hadith il est sahih et il existe. Donc ils ont dit, si poser la question et le croire, ça avait été du shirk akbar ou du kufr akbar, le prophète n'aurait pas dit lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma, pendant 40 jours sa prière ne lui sera pas acceptée. Il aurait dit directement c'est un kafir. Ils ont dit bil jam' bayna hadha al hadith wal hadith al awwal faqad kafara bima anzila ala Muhammad lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawma idhan al ma'na huwa al kufr al asghar. Ils ont dit en faisant le lien entre les deux hadiths, il a mécru en ce qui a été révélé au prophète avec le deuxième, pendant 40 jours sa prière ne lui sera pas acceptée, ça veut dire que la mécréance visée ici c'est de la mécréance mineure. Il a fait de la mécréance mineur qui va faire que pendant 40 jours sa prière ne lui sera pas acceptée. Si on dit cet avis là il y a un ishkal, il y a, alaykoum salam, il y a une question ici. Comment peut-il croire le voyant et ensuite on dit que ce n'est pas du kufr akbar? Qu'est-ce qu'il y a la réponse? Quelqu'un a une réponse ou pas? Je n'ai pas compris la question. Si on dit que celui qui pose la question à un voyant et qui le croit n'est pas tombé dans une mécréance majeure, comment pourrait-il croire le devin et ne pas tomber dans une mécréance majeure? Il le considère comme un intermédiaire, c'est pas lui. Comment? Explique. C'est-à-dire, c'est plus un sadoc, c'est un outil, c'est pas assez. Tu te rapproches, après tu t'éloignes. Mohamed. En fait, le fait qu'il. Comment dire qu'il croit. En fait, c'est. Nous, on va dire, c'est pas comme si, en fait, il avait. En fait, la personne en elle-même, celui qui fait ça, c'est sûr que lui, il est mécréant. La question, c'est celui qui pose la question à un voyant et qui le croit. Akbar ou Asrar? Si c'est Asrar, comment il peut croire le voyant et après on dit que c'est du Asrar? Si en fait. Continue, Mohamed, continue. Si en fait il le fait par ignorance, on peut pas dire qu'il est. Non, c'est pas ça la réponse. Okay. Il croit que il a volé les informations par là. Comment? Par les djinns. Exactement. C'est-à-dire que ils disent celui qui va voir le voyant et qui lui pose des questions et qui le croit, il ne croit pas que le voyant ya'lam al-ghayb. Il ne croit pas que le voyant il connaît l'invisible. Il sait que le voyant ne connaît pas l'invisible. Mais il sait que le voyant il travaille avec les shayatines et que les shayatines lui ramènent des informations. Vous avez compris? Donc là ici, il a pas dit je crois que le voyant il connaît le ghayb. Celui-là, il n'a pas. La yakfur billah al-kufr al-akbar. Celui-là ne mécroit pas en Allah de la mécréance majeure. Mais celui qui va voir le voyant et qui croit que le voyant, il connaît l'invisible, hada kafirun billah bila shak. On est vraiment dans la limite. Vous avez compris ou pas? On est vraiment dans la limite. Non. Vous avez compris ou pas? Compris, Ibrahim? C'est pour ça que vous allez voir des ulama qui disent directement. Donc c'est de la mécréance majeure. Et d'autres ils disent, fihi tafsil, il y a un détail à faire, qui est que celui qui croit au le voyant, parce qu'il sait que le voyant prend les informations du shaitan, et il sait que le voyant ne connaît rien de l'invisible, celui-là il n'a pas fait du kufr akbar, alaykoum salam, il a fait du kufr asrar. Mais celui qui croit que le voyant, il connaît l'invisible, ça c'est du kufr akbar, bila shak, sans aucun doute. On va s'arrêter là, inshaAllah. Nasallallahu an yufaqihana fi din wa an yazidana min fadlih wa yaghfira lana wa yudkhilana al-jannah. Innahu waliyu dhalika al-qadiru alayhi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.